pleurez pas, franchement, ça sert à rien. Tout le monde ici vous respecte maintenant. Tout le monde sait que vous êtes des grands champions. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques mois, c'était impensable qu'une équipe du Burkina Faso vienne en France une semaine, s'entraîner, faire un tournoi comme ça. Donc, mesurez aussi l'évolution du rugby dans notre pays. Présentez-vous ! Qui je suis ? Merde ! On se prend pour qui ? C'est bien, bro ! Continue comme ça, bro ! C'est bon ! On va pas parler de technique ou tactique, là on va les destruire, puis voilà. Maintenant, le bouclier, c'est bon le bouclier, mais je veux dire, ce qui est beau, c'est l'aventure humaine, quoi. Après, bon, le bouclier, c'est un morceau de plage, il flotte, hein. Dans ce dernier épisode de notre trilogie consacrée à la Fédération Burkinabé de rugby, nous allons encore plus plonger dans la vie de groupe des étalons, car notre journaliste Julien Lahal les a suivis et accompagnés durant la totalité de la deuxième journée du Paris World Games, compétition de rugby à 7. Après une première journée où les étalons ont dominé leur poule avec des victoires éclatantes contre les équipes de Wonder Sevens sur le score de 47 à 5, que du Sevens sur le score de 49 à 5 et Khmer Sevens 47 à 0, nos Burkinabés se sont retrouvés directement qualifiés en demi-finale du tournoi suite au désistement d'une autre équipe et c'est donc face à une sélection de joueurs congolais expatriés en France que la demi-finale a eu lieu. Suite à une nouvelle victoire sur le score de 22-0, cette fois-là, nous retrouvons les joueurs et le staff en plein briefing d'après-match. Ok les mecs, petit retour. Ok, très bien, très bonne prestation. Tout le monde a eu du temps de jeu, tout le monde a bien joué, très bon investissement. Juste, on va direct aller vers ce qu'il faut améliorer pour le prochain match. Ce qu'il faut améliorer, ça me paraît clair, ça me paraît évident, on a été sifflé 5 ou 6 fois, c'est les grattages. Prochain match, on ne gratte plus un ballon, ok ? 3 fois on se fait siffler parce que le plaqueur n'est pas sorti de la zone et notre assistant plaqueur vient gratter le ballon. Vous avez vu le geste de l'arbitre comme ça ? Ça veut dire que c'est le plaqueur qui ne sort pas. Pour pouvoir gratter, il faut que le plaqueur sorte. Donc, comme on a été trop pénalisé, on va arrêter. On va arrêter de gratter les ballons et on va faire une bonne ligne. Parce que notre point fort, Harry, il va vous en parler, mais c'est grâce à notre défense qu'on marque la plupart de nos essais. Ouais, bravo à vous. C'est bien les mecs. Encore une fois, en première mi-temps, ils ont... Rachid, écoute bien, on a encore un match à gagner. Encore une fois, ils n'ont existé qu'à travers les erreurs que nous on a fait. Vous avez vu, en défense, quand on défend ensemble, il n'y a personne qui nous passe. On rattrape tous les coups, on refait la ligne très vite. On récupère les ballons, et vous avez vu qu'encore une fois, il y a 2 ou 3 essais qui viennent de récupération. Et après, on a réussi à faire des essais de 100 mètres en jouant simple. Très simple. Tiolo, à chaque fois que tu changes de rythme, on trouve des solutions. Kader, à chaque fois que tu as joué un duel, tu l'as gagné. D'accord ? On joue simple. Kassoum, tu vois, à un moment, tu perces, on a 3 contre 1, on peut tuer le match, ça peut être le 3e essai avant la mi-temps. Tu tentes un geste, si tu le réussis, c'est fantastique. Tu l'as tenté, on n'a pas réussi. Et derrière, on a pris 2-3 minutes de pression. Jouons simple. Il n'y a personne qui peut nous battre quand on joue simple et quand on défend ensemble. Parce que on récupère les ballons, on marque des essais, on fait mal et on fatigue tout le monde. D'accord ? Jouez le plus simple possible. Faites l'effort en défense. On a 2 fois 7 minutes à tenir pour gagner ce tournoi. D'accord ? Il y a 2 trucs sur lesquels je veux revenir. Sur le coup d'envoi, Adama, tu claques. Kader, tu tapes la balle. Hein ? Simple, pareil. Réinvente pas le rugby. Récupère la balle. Sois fort, tiens ton duel. On va venir avec toi et on va jouer. C'est ça notre jeu, c'est tenir le ballon. Ok ? Vraiment, quand on joue simple, on est irrésistible. Personne ne peut nous battre. Gardez bien ça en tête. C'est très très bien. Tous les mecs qui sont rentrés ont apporté quelque chose. C'est excellent. Et la plus-value, le truc extraordinaire de ce match, c'est que dès la première seconde, on était prêts. Ils ne nous ont pas surpris, on n'a pas eu un temps d'attente, on a été prêts tout de suite. C'est très bien. Prochain match, si je donne toutes ces petites indications, c'est qu'on ne va pas avoir le droit à l'erreur. En face, c'est des très bons joueurs de rugby, qui connaissent le set, qui physiquement sont costauds et qui vont vite. D'accord ? On va les faire exploser si on tient la balle, si on est précis, si on fait des choses simples. Ok, un mot à rajouter ? Si quelqu'un veut dire quelque chose sur ce qu'il a ressenti, on a 2x7 les gars, 2x7 minutes. Concentrez-vous bien, 2x7 minutes à être sérieux, à jouer notre jeu, à dominer l'adversaire comme on l'a fait, à imposer notre rythme et on va gagner ce tournoi. Donc le match qui arrive les gars, il faut le prendre comme un match comme les autres. aucune pression. On est serein, on est confiant, on connaît nos forces. Ok ? Il y aura peut-être un peu d'émotion particulière qui va en animer certains. Ok ? Une grande inspiration, une grande expiration, et on reste serein. Et on regarde nos amis, nos frères, prêts à en découdre avec nous. On l'aborde, un match comme un autre. Tout au long de la semaine d'entraînement, Loïc Archer, le préparateur physique de Rugby Performance, a préparé une surprise aux joueurs en concoctant une vidéo de motivation où plusieurs personnes ont glissé un petit mot d'encouragement aux joueurs avant leur finale. Tour à tour, vous entendrez donc le staff, Vulgence Ouédraogo, international français né au Burkina Faso, les équipes de France masculine et féminine de rugby à 7, ainsi que des supporters de la sélection du Burkina Faso. Les gars, on est à un match de mettre notre nom, de mettre le nom du Burkina Faso sur le palmarès d'un tournoi international de rugby. Vous le méritez, ce match il est pour vous, ce tournoi il est pour vous. Oh le fou, je compte sur vous les mecs, faites-nous rêver encore et toujours. Ok, moi aussi j'ai énormément confiance en vous et il y a d'autres personnes qui ont un petit message à vous passer. Bonjour les compatriotes, c'est Fulgence Ouédraogo, je tenais à vous encourager pour le tournoi de ce week-end et à vous dire que je suis de tout cœur avec vous et que je vous soutiens et amusez-vous, régalez-vous, prenez du plaisir, c'est l'essentiel. Salut les gars, avec l'équipe de France de rugby à 7, on vous souhaite le meilleur pour ce week-end. Bonne chance les gars. Salut, une petite vidéo pour vous souhaiter bon courage pour votre tournoi ce week-end. Ciao. Bon courage. Bon messieurs, nous on est 4 poteaux, et on n'a qu'une équipe qu'on supporte. Et c'est le Burkina Faso, Une fois cette vidéo visionnée, les joueurs sont repartis sur la pelouse pour procéder à leur échauffement d'avant-match. Étant donné la longue coupure de 3 heures entre la demi-finale et la finale, il était vraiment important de réveiller nerveusement les joueurs avant de les voir s'activer physiquement. Et c'est pour ça que le staff a décidé de mettre en place un petit jeu qui avait beaucoup de succès auprès des joueurs, le jeu de l'aveugle. Deux joueurs avec les yeux bandés représentant tous deux une équipe différente se trouvaient à 10 mètres de leur coéquipier et avaient pour mission de récupérer une chaussure préalablement déposée par Tchèque. C'est un jeu très interactif où tous les joueurs scandent leurs indications pour aider leur partenaire à trouver ce fameux objet. Tout droit, arrête-toi, à droite, devant. Après ce réveil physiologique, les joueurs basculent à proprement parler dans l'échauffement physique que nous allons suivre dans sa globalité jusqu'au coup d'envoi. Et la finale tant attendue face au redoutable Chav suivra dans la foulée. Profitez de cette immersion au cœur du collectif des étalons. Le robot, on y va sur toi, c'est vous qui commandez mon chéri. Trois. Ok, les cervicales. Allez, 5 secondes arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Devant. 1, 2, 3, 4, 5. À droite. 1, 2, 3, 4, 5. À gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Tournez. Hop. Allez, position de pompe, on est reparti pour 6. Et on essaye de monter avec de la puissance. Ok, les gars? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, allez, le robot pour 3 les gars, tous ensemble. Allez, go. Allez les gars. Allez, monte bien les coudes. 3. Ok, super. Allez, les coudes, les gars. Derrière. Devant. Derrière. Droite, gauche. Allez, on accélère. Derrière, devant, derrière, droite, gauche, derrière, devant, derrière, devant. Ok, relâchez les gars, faites tourner. Super, partagez Fabien. Buvez un coup d'abord. Ouais, pardon, buvez un coup. On va retravailler le positionnement du plaqueur, d'accord? Le plaqueur, on va le refaire sortir de la zone de ruck et se mettre premier défenseur. Aujourd'hui, on n'a pas les vagues sur la finale. On a été trop pénalisé et les Chaves, c'est une équipe qui va être fatiguée. Donc c'est pas grave s'ils conservent le ballon parce qu'on a une bonne ligne défensive. Et on va les épuiser à leur propre jeu. C'est compris les mecs? Donc je pars là-bas avec Antoine pour la simulation. Bouba. Bouba, mets-toi en numéro 9. Antoine, tu joues un duel, tu peux rebond. Rapprochez-vous les mecs. Donc Antoine, porteur du ballon, il va jouer son duel sur moi. On va faire comme d'habitude, une bonne attitude au sol. Soit le chesting, soit la roulade. C'est parti. Et moi, plaqueur, mon rôle, il va être de faire tomber, vite me relever. Ok. Le numéro 9, une fois que j'ai fait la passe, je m'ancre sur Antoine, très fort. C'est compris? Allez, c'est parti, par couvre de 3 comme d'habitude. 3 par ballon. Libère-moi. Ok, super. On part avec Aristide, on prend les ballons. C'est bon? Ballon avec Aristide. C'est bon les gars? Vous connaissez, on regarde là-bas. Un petit peu de château bleu. Comme ça, tac tac tac tac. On accélère jusqu'au feu bleu. Arrive, ça marche les gars? À mon commandement. Top. Top. Au-dessus des plots, au-dessus des plots. Stop. Stop. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Attends, attends, il n'est pas passé, Bonzon. Il n'est pas passé, vas-y. Stop. Dernier groupe de 3, vous en lâchez un pour faire avec Bonzon. Ok, l'autre côté. Pourquoi? Vous n'avez pas fait le même côté? Ok. Stop. Et on accélère jusqu'au bout. Stop. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Stop. Ouais, Bonzon. Voilà, juste deux qui partent. Stop. On va pointer en défense, on va communiquer. Il n'y aura pas de problème les gars. J'ai confiance en chacun de vous. On a tous confiance les uns dans les autres. Il n'y a même pas de problème, d'accord? Et on garde les consignes. On a dit, pas de recrutement. On plaque, on se relève tout de suite et on se remet sur la ligne, d'accord? Personne reste au sol, personne marche aujourd'hui. En attaque, on écarte tout le terrain, d'accord? Tout le terrain, on reste pas collé, d'accord? Ceux qui sont sur les deux côtés, appelez les ballons, on va vous servir. Et là, faudra mettre les cannes, d'accord? Serein, les gars, serein, pas de problème, pas de problème. Ça va le faire, ça va le faire. Personne nous a mis en danger. Mais par contre, en face, là, ça, c'est une bonne équipe, d'accord? Ça va pas être la même chose. Eux aussi, ils veulent la coupe, hein. Eux aussi, ils veulent la coupe. Mais nous, on la veut plus que. On veut ça plus que. Ça fait une semaine qu'on est là pour ça. Pour ça. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on veut être en finale, on veut ramener la coupe. Et bien c'est maintenant. Et bien c'est maintenant. Voilà, c'est ça, c'est ça. Elle est juste devant nous. Il faut juste l'attraper. Dans 14 minutes, on l'aura attrapé. D'accord? Tout le monde, le même objectif. D'accord? On se donne tous pour l'équipe et il n'y aura pas de problème. Ok les mecs? Ok. Ok. En fait, j'aimerais juste savoir ce que va représenter la finale là que vous allez jouer après une semaine comme celle-là pour le Burkina. Bah, la réponse officielle, c'est que c'est la concrétisation de tout le travail qu'on a fait, de la concrétisation d'un travail logistique, administratif de très longue haleine qui dure depuis 6 mois qu'Antoine a mené et qui nous permet de vivre cette semaine folle et qui permet aux joueurs d'être là depuis une semaine à progresser. Okay. Et si je te répondais avec le cœur, je te répondrais que c'est une question de vie ou de mort, c'est tout. Moi, je peux pas perdre. On peut pas s'arrêter là, c'est pas possible, c'est trop important. C'est plus que du rugby même. C'est beaucoup plus. Oui, vous voyez, c'est une grande première pour nous de faire les déplacements hors le continent. D'accord. Donc, nous sommes vraiment les pionniers. Nous voulons vraiment faire ces résultats pour les générations à venir. Allez, en bas, en bas. Quelque peu tétanisés lors du coup d'envoi, les Burkinabés encaissent rapidement un essai qui aura eu le mérite de les réveiller. Car dès la réception du renvoi, le jeune Rachid Sawadogo, 17 ans, fait parler Sekan et transperce la défense pour un magnifique essai de 60 mètres. Hey Rachid, hey, hey Bruno, Bruno. Les Chaps vont ensuite parler leur expérience et leur puissance physique en inscrivant un essai juste avant la mi-temps. Les Chaps mènent donc 14 à 7. Organise, encore Yam. 2-2 Bonjour, sœur. Les gars, il faut toujours pareil. Oh, va te choper le 3, il fait toujours la même chose. Nouro, défense sur le 3, je te mets dans sa zone. Il fait toujours pareil. Allez, Roseau, on court. Tiro demain, tiro Pas demain. Oh oui. Attends, t'as un jeu. Allez, on joue, Blanc, on joue. Tiens le ballon, faites vite, faites vite. Vite. Victor les gars, prends tout le, prends tout le. Ouais, 14-7. Tiens, partage. C'est bon, Rachid, chute. Attends, les gars. Chut. Le mec joue. Le mec qui joue. Parlez. On a le vent. On a le vent maintenant. On joue avec le vent. Reposez-vous. On respire s'il vous plaît, on respire un maximum. Il y a trop d'électricité là. On respire, on a 30 secondes encore. Prenez le temps. Ouais. Les gars, l'arbitre, on peut rien y faire. On a toujours très bien géré cet élément-là, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la finale. Donc on reste tranquille. Il est pas contre nous du tout. Il n'est pas contre nous du tout. Ok ouais. Et si on se sert de cet énervement, il faut que ça soit positif. Encore plus de hargne et de volonté de gagner le match. C'est compris les mecs, il nous reste quelques secondes sans Adama. Donc on tape le coup d'envoi là. Donc il faudra faire un bon rideau là-dessus. Ils sont cuits en face, ça y est, regardez, ils sont à genoux pendant la mi-temps là. Ils sont à genoux. Il nous reste 7 minutes. C'est un super challenge. On voulait des gros matchs, on voulait de l'adversité. On l'a. Et on l'a. Ok, on attaque la mi-temps avec le vent. Il faut qu'on impose notre rythme. On est rentré sur le terrain trop timide. On a mis Concorde trop une fois, 3 minutes à rentrer. Dès le début du match, on rentre, c'est nous qui avons entré. Ils ne font que marcher, ils n'en peuvent plus. Ils essayent de ralentir le match. Nous, il faut qu'on l'emballe, il faut qu'on l'emballe. Maintenant, on a 7 minutes. On a 7 minutes, c'est en notre pouvoir, c'est nous qui maîtrisons ça. On impose notre rythme. Ça marche ? Allez, ne soyez pas timides. Le patron ou le mort ? Nous le mort ! La deuxième mi-temps verra la tendance se confirmer. Les étalons sont moins précis, subissent pour la première fois du tournoi les impacts physiques. Ils n'arrivent pas à déployer leur jeu habituel fait d'initiative, de vitesse et de folie. Et c'est logiquement qu'ils s'inclinent 35-12. Ce sont des joueurs dépités que le staff retrouve à la fin du match. Les mecs, on comprend vos déceptions. On en a joué les finales, on en a perdu. On a aussi eu la chance avec Aristide de représenter notre pays. Donc on sait ce que c'est de perdre un match. Encore plus quand on a un si beau blason sur le cœur. Mais je crois que si on prend un peu d'altitude, un peu de hauteur sur toute la semaine qui vient de se passer, toute la journée, le sentiment qui doit couler dans vos veines, c'est la fierté. Et c'est celui qui doit continuer à vous animer encore et encore. On a perdu une finale, certes, mais je pense sincèrement qu'ils étaient une classe au-dessus de nous, en tout cas aujourd'hui. Aujourd'hui, à notre niveau d'équipe, de fédération et de structuration. On est jeune encore sur le plan international. Vous êtes très jeune aussi en termes d'âge. Vous êtes très jeune, les gars. Ce que vous réalisez à votre âge, pour certains à 18 ans, c'est littéralement fabuleux. Ce week-end, vous avez gagné le respect. Vous avez gagné le respect de beaucoup de monde. Grâce au travail d'Antoine, grâce au travail de Cheikh, grâce à tout ce que vous avez mis sur le terrain, vous avez gagné le respect du monde du rugby français qui a suivi ce tournoi. Le reportage qui avait lieu sur votre pays il y a 2 ans également nous avait éveillé sur le potentiel qu'il y avait. Les gars, restez fiers. Restez fiers. On voulait finir cette semaine sur une belle fête, sur une victoire, sur écrire le début d'un palmarès. On retient la progression et on retient qu'au final vous allez en jouer beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Retenez tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous êtes très jeune, au final vous allez en jouer d'autres. Une finale c'est toujours particulier. La difficulté aujourd'hui c'est qu'on n'est jamais vraiment rentré dans le match. On n'est jamais vraiment rentré dans le match, les gars. On s'est fait endormir dès la première seconde. On s'est jamais réveillé. Rappelez-vous de tout ça. Perdre une finale, c'est dur, mais quand on l'a pas joué, c'est encore plus dur. Rappelez-vous de tout ça. Ce stage, il était là pour progresser. Ce tournoi, c'était pour progresser. Vous vous souviendrez de ça. En tout là sur le tournoi, l'équipe qui a conquis tous les cœurs des supporters, c'est vous. Te lever ? Je vais parler aussi mal. Attends. Ouais, j'avais juste quelques mots à vous dire. Je suis extrêmement déçu, vous aussi. J'ai fait vraiment de mon mieux pour que vous veniez depuis quelques mois, pour que vous soyez dans les meilleures conditions possibles. Moi aussi, j'ai peut-être usé de ma confiance. J'aurais dû peut-être plus me reposer aussi. Je le saurai pour la suite. En tout cas, moi, je sais que j'ai pas de regrets parce que j'ai tout donné. Là, il y a, je pense, le muscle de ma cuisse qui a lâché parce que j'ai donné tout ce que j'avais, quoi. Ça n'a pas suffi. Mais en tout cas, j'ai pas de regrets. Et je sais que tout le monde a donné tout ce qu'il avait. Faut pas oublier qu'il y a encore quelques mois, c'était impensable qu'une équipe du Burkina Faso vienne en France une semaine, s'entraîner, faire un tournoi comme ça. Donc mesurez aussi l'évolution du rugby dans notre pays. Et voilà, comme le disait Fabien, Harry, pour la plupart d'entre vous, vous êtes très jeunes. Donc il y a encore, pour la plupart, 10-15 ans de rugby qui vous attendent. Et ces matchs-là, ces stages comme cette semaine, ça va vous servir pour la suite. Tout le monde a progressé cette semaine. Gardez ça pour la suite. Gardez cette déception quelque part dans votre tête pour que les prochaines finales qu'on aura à jouer, peut-être même dès septembre, on mette encore plus qu'aujourd'hui pour pouvoir enfin soulever le trophée. Donc voilà les gars, pleurez pas, franchement, ça sert à rien. Tout le monde ici vous respecte maintenant. Tout le monde sait que vous êtes des grands champions. Donc vraiment, vous avez le droit d'être déçu, vous avez le droit d'être tute, mais faut pas être abattu. Faut pas être abattu, d'accord ? Ok, moi les gars, je voulais vous dire que tout succès passe par des échecs, d'accord ? Là, c'est pas facile à se dire à chaud, vous allez y repenser plus tard, et cet échec, il vous servira, c'est sûr, pour la suite, d'accord ? Pour une autre finale, pour un autre tournoi, vous allez pouvoir vous en servir. Moi, franchement, je suis super fier de ce que vous avez fait depuis le début de semaine. Vous avez tous progressé, vous avez tous été sérieux, d'accord ? Et je tenais à vous dire aussi que cette semaine, vous m'avez fait vivre ma plus belle expérience rugbystique depuis le début, d'accord ? Depuis que j'ai démarré le rugby, c'est avec vous que j'ai vécu ma plus belle expérience rugbystique. Et ça, je tiens à vous en remercier tous. Allez les mecs. Soyez fiers de vous, soyez fiers de vous. Un mois après ce tournoi, les étalons sont rentrés dans leur pays, ont repris le cours habituel de leur compétition. Le 21 juillet, les Lions de Bobo Dioulassou, l'équipe entraînée par Tchèque Amidou Ouédraogo, ont remporté le championnat national de rugby à 7. Comme évoqué par Antoine Yameogo dans le second épisode de notre saga de l'été, les échéances à venir pour la Fédération Burkinabé de rugby sont cruciales. En septembre aura lieu la Coupe d'Afrique des Nations et c'est en y décrochant une place d'honneur que les étalons pourront participer au tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques 2020. C'est la première fois qu'une équipe burkinabé vient en France déjà pour le rugby. Donc ça c'est déjà un grand événement en soi. Le fait qu'on ait pu avoir une semaine complète d'entraînement dans des conditions professionnelles, on va dire européennes, ça aussi c'est du jamais vu parce que moi quand je viens en mise au vert au Burkina, c'est un autre contexte, mais c'est bien aussi. Et là j'étais très, très content de leur montrer un peu ce que c'est le haut niveau et même dans la préparation avec un staff super étoffé, quelqu'un qui s'occupe des skills, quelqu'un qui s'occupe des attitudes, quelqu'un qui s'occupe de la préparation physique. Tout ça c'est des éléments qu'ils ont pas d'habitude. Donc c'est sûr qu'ils ont énormément progressé. Et après j'ai essayé de mettre en place des petites choses hors rugby pour on va dire faire jouer la cohésion. Donc on les a amenés défiler sur les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, on les a fait monter à la Tour Eiffel. Même le jeudi chez moi c'était beaucoup plus on va dire familial, mais c'était un barbecue, il y avait toute ma famille, tous mes proches. Ils ont bien mangé, on a passé un bon moment, c'était assez, assez familial, assez fraternel. Et ça s'est vu sur le terrain je pense parce que malgré la finale on a très bien joué. On a mis 50 points à nos 3 matchs de poule. On a en demi-finale aussi, on les a surclassés, c'est juste en finale contre une très bonne équipe. Il y avait aussi beaucoup de fatigue, je pense. Donc, non, je retiens vraiment que du positif. Non, moi, je suis ravi, en tout cas. Et la, maintenant, la marge de progression, elle va se situer où ? À chaud comme ça, c'est assez difficile de dire. Évidemment, il y a plein de domaines encore. Mais en tout cas, on est sur la bonne voie, je pense. Et le match de finale, c'est pas comme un match. Ça, c'est un match comme les autres, mais tu vois, on est un peu plus crispé. On a mis du temps à rentrer dans notre match. On n'a pas pu dérouler notre rugby. Et ça nous servira de leçon, tu vois. T'as vu une amélioration depuis le début de la semaine ? Oui, ouais. Dans tous les secteurs on s'est amélioré. Au niveau, comment on appelle, de la défense, on a défense glissée. Au niveau des passes, on s'est tous amélioré. Et au niveau de la vision, au niveau de l'attaque de la ligne. Dans tous les secteurs, franchement, je pense qu'on a, appris. Ouais. C'est une aventure humaine que vraiment. Ouais. C'est hors pair. Ça va être quoi la suite là pour la sélection ? Bon, pour la suite, on va rentrer déjà au pays. On a un championnat de 7. Dans les 2 semaines. Ouais. On va devoir affronter mes collègues ici. Avec vos clubs ? Avec nos clubs, voilà, au Burkina. Ok. Et il y a des échéances, on doit jouer en septembre. Ensuite en novembre. Bon, les dates exactes, on ne les connaît pas. Okay. Mais après, tu vois, donc, c'est un bon pilier. On va se reposer sur ce qu'on a vécu ici pour, okay. pour tout donner. Pour, ça va vous servir aussi, du coup, peut-être pas politiquement, mais à crédibiliser la sélection. Exactement, surtout. Ça nous a donné une vue, voilà, partout dans le monde. Ici, par la France, on a un peu parlé de nous sur les réseaux et tout et tout. Et voilà, nous sommes en train de taper à la porte de World Rugby. Ça met les projecteurs sur nous, c'est très bien. Et j'espère que ça va se solder sur ce bon résultat à l'entrée en World Rugby. Tout le monde saura que nous, voilà. C'était ça le vrai objectif de Exactement, c'est. Ok. C'était ça le. Vous avez eu des retours du Burkina pendant votre aventure tout le aussi. Tout le temps, on nous suivait au jour le jour. Heure par heure, voilà, et on avait des gens magnifiques aussi qui publiaient, qui communiquaient tout le temps aussi ce qu'on faisait. Et franchement, à Ouagadougou, ils étaient au courant de tout ce qu'on faisait. D'accord. Vous avez quelque chose à dire au staff, à Harry, à non, Fabien? On me dit, s'il y avait un mot qui dépassait le merci, je suis sûr que je l'aurais trouvé. Mais vraiment, c'est comme je l'ai dit, c'était une aventure humaine. Quoi. Je pense que personne ne va jamais vivre ça encore. C'est unique. Le merci ne suffira pas. Ça nous va direct dans l'âme, dans le cœur, tu vois. C'est super bien ce qu'ils ont fait. C'est du bénévolat, tu vois. On est de nulle part, on vient en France. C'est l'amour du rugby, c'est le rugby qui nous a réunis, tu vois. Donc on est aujourd'hui des gens magnifiques comme toi aussi, comme tous ceux qui nous ont accompagnés. On a passé de très bons moments, tu vois. Et les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe, oui. De quoi ils doivent s'inspirer après cette semaine ? Comment ils peuvent continuer à faire vivre le rugby ils doivent s'inspirer de tout le sérieux que le staff a montré dans cette aventure de bénévoles qu'ils ont menée. Ils ont voulu vivre avec nous, tu vois. Ils doivent s'inspirer de ce sérieux-là. On est venu de loin, on a appris d'eux. Ils ont mis le sérieux en nous, donné ce qu'ils avaient. Et ils doivent s'inspirer de ce sérieux-là, ils doivent rester sérieux et apprendre beaucoup encore. Il reste beaucoup à faire et je pense que si ça reste comme ça, l'avenir nous sourira certainement. Donc je voulais savoir un peu tes réactions par rapport à la semaine, ce que t'en as pensé. Ok. Oublie hein, vraiment ça, on parle comme si tu me parlais à moi. Hein. Ah ok, ok. Et vraiment, sincèrement, nous venons de passer une très grosse semaine. Ouais. D'abord, quand nous sommes arrivés, la première semaine, c'est vraiment les stages avec les joueurs et les encadreurs. Fab, Loïc, Harry et moi-même. Et on a beaucoup bossé sur le terrain de Massy. Donc, ça a été vraiment très expérimental pour nous, puisque on a beaucoup bossé avec et on a vas-y, que j'y recommence. Ouais. Non, mais juste, parle-moi, t'inquiète pas. On va. Tu sais quoi, regarde, je le mets là. Voilà. Je veux juste pas que tu parles comme si tu parlais à un journaliste de télé. Je suis pas journaliste. Okay. Tu me parles à moi, okay. C'est pas du tout un problème. Et okay. Moi, je suis hyper intéressé de savoir ce que t'as pensé de ta semaine. Ok. Alors, voilà, c'est. Voilà. Donc, voilà, on a passé une semaine vraiment. Parce que le rythme, oui. Le rythme au Burkina, vous vous réunissez tous les combien de temps à peu près pour. Nous on a essayé vraiment d'être un peu professionnel, même si on n'avait pas eu la chance de venir voir comment ça se passe ici. Mais dans la ville où je suis, à Bobo Dioulasso, le rugby est vraiment, vraiment populaire, puisque tous les enfants jouent au rugby. Ah ouais? Oui. Et puisque je suis le président d'une association rugby à la base, donc j'ai fait la promotion de rugby dans les écoles de rugby. Donc dans mon quartier, les enfants jouent au rugby. D'accord. Ouais. Et toi, ton rôle au sein de la sélection, en dehors de ton association. Oui. Ton rôle au sein de la sélection, c'est d'entraîner vraiment l'équipe. Oui, l'équipe senior. Ouais. Oui, l'équipe senior. Et à 15, je suis. À 15, je suis coach adjoint. D'accord. Oui. Okay. Et le fait de venir en France pendant une semaine comme ça, ça a été une vraie opportunité. Ça a été une vraie opportunité. Puisque vraiment au départ on ne le croyait pas, même si vraiment on souhaitait venir. Mais voilà, nous sommes venus, on a vu vraiment que c'est carrément différent. Nous à Bobo on joue au sol. Et ici les infrastructures c'est vraiment énorme. Tu vois, partout il y a les terrains. À Massy, il y a plusieurs terrains à côté. On s'est bien entraîné, les matériels. Tout est au complet, on avait notre vestiaire. Donc je voulais vraiment profiter de l'occasion, dire merci à Antoine pour ce projet. Et aussi à mes collègues Harry, Fab, Loïc. On a beaucoup bossé ensemble et j'ai beaucoup appris d'eux. Et en tout cas, aujourd'hui, je repars très confiant avec beaucoup de bagages intellectuels et des matériels aussi sportifs. Du matériel sportif? Oui, du matériel sportif. On a eu beaucoup de dons de matériel. Et Fab, Antoine et ses amis à Massy. Donc vraiment, je profite de l'occasion aussi pour remercier en tout cas le centre de formation de Massy, l'équipe de Massy tout entier. Et vraiment, pas de mots, je suis très content et très ému. Et cette finale, du coup perdue finalement, mais c'est un peu anecdotique puisque vous avez quand même passé une semaine où ça a été ultra positif. Oui, une semaine ultra positive parce que quand on veut parler de la semaine, moi je pense d'abord vraiment au stage qu'on a fait. On a beaucoup appris et vraiment les préparations avant match, c'est très important. Et l'échauffement, les tactiques, les techniques de jouer, les rocks, on a tout travaillé. La touche, la mêlée, la lecture des jeux. Donc tout ça, ça nous a fait monter vraiment d'un cran notre niveau. Et sincèrement, on est très content. Et la finale, on voulait vraiment la gagner. Mais il faudra reconnaître aussi que l'équipe en face était meilleure que nous, même si on pouvait aussi gagner. Et vraiment, on n'a pas démérité. Ouais. Du coup là, vous rentrez demain soir? Oh oui, midi. Demain midi? Oui, mais déjà à 6h on quitte. Ok. Et là, la suite pour la sélection du Burkina, c'est... Oui, c'est le mois de septembre. Là, c'est au mois de septembre? Oui, c'est un tournoi pour notre jeu. C'est juste ça. Vous faites un tournoi pour faire quoi du coup? C'est une Coupe d'Afrique? Oui, c'est une Coupe d'Afrique. Et vous allez vous déplacer? Oui, nous allons nous déplacer au Bénin. Au Bénin? Oui, okay. Au Bénin. Hop là, tiens, vas-y. C'est un tournoi qui s'étire tous les ans. Ouais. Et tout ça, avec ces résultats, on peut prétendre en tout cas être affilié, être champion. Membre, oui, et puis être membre permanent du World Rugby. C'est notre vision. Donc c'est ça vraiment le but. L'objectif, voilà. Ok. Parce que là aujourd'hui en Afrique, il y a qui est membre du World Rugby? Oui, il y a l'Afrique du Sud, le Kenya. Oui, il y a la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Namibie, le Zimbabwe, il y a beaucoup. Et tout récemment, il y a l'Algérie aussi qui est membre du World Rugby. Ok. Donc c'est vraiment l'objectif pour vous, voilà, à court terme. Voilà, je pense qu'on est vraiment assez bien pour ça. Ok. Voilà. Et vous avez eu des nouvelles de. Des nouvelles du Burkina là, pendant que vous étiez en France? Oui, vous savez que maintenant avec les réseaux sociaux, vraiment, on est vraiment connecté avec le Burkina. Ouais. Et les résultats, les gens, c'est immédiatement après les matchs. D'accord. Oui, ils sont au courant, ils viennent. Ils demandent des nouvelles et ils ont supporté, des nouvelles. Nous sommes beaucoup supportés, oui. Bon, bah, cool. Nous avons reçu beaucoup de messages. Ah, c'est cool. Très très bien. C'est donc la fin de notre trilogie consacrée aux fiers étalons du Burkina Faso. Nous espérons sincèrement que ces épisodes immersifs vous auront plu et qu'ils vous auront permis de vous sentir au plus près de cette sélection représentant fièrement les valeurs chères à Thomas Sankara. La prise de son ainsi que le montage ont été réalisés par Julien Lahalle et c'est avec plaisir que je vous ai conté tous les moments vécus par ce groupe. Merci à tous pour votre écoute et laissez une note sur votre application de podcast préférée si ces épisodes vous ont plu. Commando.